La jetée par Edmond Jaloux. Toutes les fois que j'allais rendre visite dans son atelier à mon ami le peintre Henri Le Fauconnier, j'admirais une petite étude dont il n'avait jamais voulu se séparer. Elle représentait un bout de jetée au bord de la mer, une mer glauque, blanchie par l'écume. Le ciel était gris, humide, bas, un ciel de fin d'octobre. Une femme, assise sur la jetée, regardait jouer les mouettes. À côté d'elle, une vieille dame, en noir, dont les cheveux formaient de longs rouleaux d'argent, brodés sans rien voir, et de deux fillettes, l'une s'amusait avec un seau et une pelle, et l'autre suivait de l'œil le passage de quelques voiles. La jeune femme avait un joli profil, le nez busqué, les joues roses, les yeux bruns et tristes, un grand air de modestie, de mélancolie et de patience. Elle était habillée à la mode de 1882, d'un de ses longs corsages d'alors, qui était en même temps étoffé et tendu sur la gorge, d'une petite capote serrée par un grand voile d'un bleu faux, presque vert, et d'une pelisse en forme de rotonde qui laissait voir son envers de fourrure grise. Ce petit tableau avait pour moi un très grand charme que je m'expliquais d'ailleurs assez mal. Il avait déjà quelque chose de vieillot et de démodé, et une poésie qui me prenait le cœur. Souvent j'avais prié le fauconnier de me céder cette étude. Il n'avait pas accepté. Un jour où je la lui demandais de nouveau, il me dit « Jamais, Raymond, je ne vous abandonnerai ce petit tableau. Il n'a de valeur que pour moi. Et comme vous pourriez croire à de la mauvaise volonté de ma part, ou tout au moins un absurde entêtement, je vais vous raconter la raison qui m'attache à lui. » À 30 ans, comme vous le pensez bien, je n'avais pas encore la notoriété que mon travail obstiné m'a donnée aujourd'hui. Mais je possédais mieux que l'argent et la réputation, j'avais la jeunesse, et une de ces têtes, trompeuses peut-être, qui font croire aux femmes que l'on est un héros de roman. Un octobre, à la suite de certaines déceptions assez cruelles, je m'en fus abriter mon mécontentement et mon besoin de solitude dans un petit port de mer que je ne vous nommerai pas et qui est situé sur la Manche. Tous les soirs, je me promenais au bord de la mer. Un jour, je vis sur la jetée cette femme-ci avec cette vieille dame et ses enfants. Elle était mince, élégante, et toute sa délicate figure disait une belle vie intérieure et beaucoup de tristesse et de renoncement. Je la retrouvais plusieurs fois de suite. Elle me regardait comme malgré elle, et ma présence semblait la troubler. Quant à moi, je devins tout simplement amoureux d'elle, et très sincèrement et très violemment. Ce n'était pas femme à se laisser aborder par un passant. J'avais quelques relations dans la société de l'endroit, je me mis en campagne, et je fus ainsi présenté à mon inconnue. Je ne vous dirai pas son nom, mettons, si vous voulez, qu'elle s'appelait Amélie Gerville. Son vrai nom avait un peu cette couleur et cette sonorité-là. J'eus tôt fait de devenir intime avec elle. Vous savez le prestige dont dispose un Parisien mêlé au monde, au théâtre et artiste lui-même, auprès de certaines femmes romanesques, que l'ennui et la médiocrité de leur entourage étouffent au fond des provinces. Cela était d'ailleurs plus exact encore il y a 30 ans qu'aujourd'hui. Je fis donc à ma nouvelle amie une cour discrète qui ne lui déplaisait pas. Elle me raconta divers épisodes de sa vie. Elle était sentimentale comme on l'était à ce moment, où quelque chose du romantisme achevait de mourir, avec le siècle, dans les âmes françaises. Elle avait beaucoup de cœur et aucune affection auprès d'elle. Son mari était un noceur quelconque, sa mère une personne sèche et dévote. Elle était vraiment seule dans la vie. Un jour, je me déclarai. Madame Gerville fut extrêmement bouleversée par cet amour qu'elle voyait depuis le début et qu'elle ne voulait pas voir. Elle passa une semaine sans me recevoir, puis m'envoya un mot pour m'appeler auprès d'elle. Je la revois dans son salon, un salon à la mode de ce temps-là aussi, faussement mauresque, avec une lampe turque, des cachemires, des divans, un plafond tendu d'une étoffe plissée, des yatagans accrochés partout, et même des palmes desséchées en forme d'éventail. Mon Dieu, comme tout cela est loin et mélancolique. Elle me dit tout ce que vous pensez, qu'elle avait longuement réfléchi, qu'elle ne m'aimait pas, qu'elle ne m'aimerait jamais, qu'elle avait pour moi une grande affection, mais rien de plus, qu'elle me demandait de rester son amie, que si je m'obstinais dans ma folle passion, elle serait contrainte de me prier de cesser mes visites et qu'elle en aurait le plus grand chagrin. Et pendant qu'elle parlait ainsi, je regardais ses yeux désespérés et suppliants. Elle mentait en disant tout cela, c'était visible, ou plutôt, non, elle ne mentait pas, mais ce qui était son désir le plus cher et le plus secret, elle ne le savait pas. J'ignore ce qui serait advenu alors si mon meilleur ami, Gaston Limousin, n'était mort d'un accident de chasse en Algérie. Je partis aussitôt pour chercher son corps et le ramener à Paris. Je fis en route les plus mélancoliques réflexions. Je reconnus que je ne pourrais que causer le malheur de Madame Gerville, qu'elle était honnête, et que si elle cessait de l'être à cause de moi, je la quitterais un jour ou l'autre, et que ce jour-là, sa vie serait gâchée, soit qu'elle s'abandonnât au désespoir, soit qu'elle courût d'autres aventures. Je ne revins donc jamais au petit port de mer où je l'avais connue. 6 ans après, je recevais une lettre de faire part et un paquet. La lettre m'annonçait la mort de Mademoiselle Amélie Gerville à l'âge de 32 ans. Le paquet contenait plusieurs cahiers reliés ensemble. Le journal de Madame Gerville pendant les mois qui précédèrent notre rencontre. Je le lus avec respect. J'y appris tous les mouvements d'âme, les aspirations, les dégoûts, les attendrissements, les désespoirs d'un cœur infiniment tendre et pur, d'un esprit noble et un peu chagrin, que la vie traitait avec une parcimonie réelle. Mais le mystère était que le journal s'arrêtait exactement le jour où j'avais pour la première fois aperçu Madame Gerville sur la jetée. Pourquoi ? A-t-elle brûlé le reste ? S'est-elle interrompue d'écrire au moment d'accueillir dans sa vie un élément nouveau ? Je ne le saurai jamais. Je ne sais pas davantage pourquoi son dernier vœu a été de me faire, par une amie sans doute, adresser ce journal. Sans doute voulait-elle m'apprendre qu'elle n'était ni une coquette, ni une femme sans cœur, comme si j'avais besoin de ses cahiers pour être renseigné sur elle. Le fauconnier ouvrit un vieux bureau, en sortit un étui de maroquin, et feuilletant quelques pages d'un assez gros volume, « Écoutez ceci, » me dit-il. 30 septembre 1882. J'étais sur la jetée ce soir. Je n'aime plus maintenant que ces longues méditations nostalgiques devant le crépuscule, devant la mer qui berce mon éternel chagrin. Chagrin de quoi ? Le sais-je. Je rêve parfois qu'un jour, sur cette jetée, un homme s'approchera de moi. L'homme que j'attendais, jeune fille, que je n'ai jamais connu, l'homme qui me comprendrait, qui m'aimerait. Ce jour-là, je ne serai plus seul. Entre un mari qui me trompe, une mère qui ne m'adresse que des mots durs, et 2 enfants qui, je vois, avec terreur, se former lentement, sûrement, la nature jouisseuse, égoïste et intéressée de leur père. Mais ce jour-là, le jour où cet homme inconnu viendra à moi, serai-je assez forte pour le repousser ? Le fauconnier ferma le cahier et le remit dans son écrin. 1 mois après, jour pour jour, je la rencontrai. Vous comprenez maintenant pourquoi je conserve cette étude. La nuit venait dans l'atelier. Je regardais sur la petite toile la jetée, la mer glauque et ce fin profil. Et je songeais à cet automne, à cette femme isolée et mélancolique, à ce mystère, à ce cœur profond. « En somme, murmura le fauconnier, qui rêvait aussi, c'est la seule femme que j'ai vraiment aimée, et c'est la seule que je regrette toujours. » Ainsi s'achève la jetée par Edmond Jaloux.